rien. Le ciel est blanc. Quand moi je bois du vin, plus rien savoir de moi. Et même la vie, non, ne m'amuse plus. Tu sais, Sophie, pas d'être vécu. Je n'arrive même plus à rendre mes devoirs. Je sais que je vais te voir chaque soir en train de boire Troubadour. En train de rouler des pelles à ceux que j'aimais tant et qui veulent te baiser. Troubadour. Troubadour.